Passez un très bel après-midi sur la première, c'est l'heure d'Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Le monde est certainement en train de vivre un de ces moments les plus dramatiques, un de ces moments où on entend battre le cœur de l'histoire. Moi, j'ai été blessé deux fois. Et à un moment, j'ai repris connaissance, il parlait plus la même langue, quoi. J'étais chez les Chinois. Cette semaine, la Corée. Je pense que le débarquement à Incheon a été la phase essentielle, sinon une des phases essentielles de la guerre de Corée. D'une guerre fratricide à une réconciliation en impasse, l'entrée en scène de la guerre froide. More than ever before against this kind of sneak attack. Finalement, presque plus que la guerre, ce sont les conditions physiques qui ont été très dures en Corée. Nous avions environ 15 000 hommes, les Chinois 120 000. Et sur ces 15 000 hommes, 12 000 ont été touchés, dont 3 000 tués. 6 000 blessés souffraient de gelures graves et nombreux furent ceux qui perdirent bras, jambes, pieds ou mains. Alors pour l'armement, il faut déglacer les armes pour pouvoir s'en servir. Autrement, tout est bloqué par la glace. À Twin Tunnel, les gens ont commencé à se battre à coups de crosse avec les Nord-Coréens, parce que les coups de fusil ne partaient ni d'un côté ni de l'autre. Un enfer. Ça faisait 3 jours que nous mangeions des rations gelées. Il n'était pas question de faire de feu. Et la neige s'est mise à tomber en fin d'après-midi, au moment où nous avons été relevés par un régiment sud-coréen. Et il a fallu évacuer les blessés. 6 à 12 heures de brancardage, à 6 hommes par brancard, par moins 30. Nous avons fait prisonnier des Chinois dont les doigts étaient collés ensemble par le froid sur la crosse de leur fusil. D'autres prisonniers avaient les pieds qui tombaient. Ils ne portaient généralement que des chaussures de tennis. Et voilà pourquoi ils convoitaient tellement nos bottes et nos sacs de couchage. Ils portaient ces minces chaussures de tennis et certains des prisonniers nous arrivèrent en marchant sur des moignons ensanglantés et gelés, là où auraient dû se trouver leurs pieds. Le froid est venu figer les forces des Nations Unies dans la contre-offensive qu'elles mènent contre l'armée nord-coréenne, pourchassant celle-ci au-delà du 38e parallèle, cette ligne de démarcation établie entre le sud et le nord du pays. Les Nord-Coréens, qui aux premières heures de la guerre semblaient avoir le dessus, sont à leur tour submergés par les forces réunies de 16 nations combattant sous la bannière des Nations Unies. Le général Douglas MacArthur, commandant en chef de cette force armée, n'entend cependant pas cesser les combats tant que l'armée nord-coréenne n'aura pas été complètement anéantie. En franchissant le 38e parallèle, il engage la guerre de Corée dans une nouvelle dimension dont beaucoup redoutent qu'elle ne préfigure ni plus ni moins une autre guerre infiniment plus généralisée. Depuis à présent quelques semaines, un paramètre est venu étayer fortement cette hypothèse, la présence sur le terrain des opérations des troupes de Mao Tse-tung. On a coutume de dire « les petits piments sont ceux qui frappent le plus fort ». Chapitre 1 « Tu es trop près de ma frontière ». Jean Lartégui. Et à ce moment-là, les Chinois se sentent menacés, poussés aussi dans ce sens par les Russes, car les Russes à ce moment-là ont intérêt à ce que les Chinois aillent se battre en Corée, car les Chinois sont déjà en puissance le futur ennemi. Les Chinois interviennent en masse, mais par millions d'hommes. Ils roulent par les vallées. C'est vraiment un rouleau compresseur. Sur la route, déboule alors une incroyable cohorte formée de centaines de milliers d'hommes, une nuée. Un soldat américain témoigne. Nous pouvions voir cette colonne d'hommes s'étendre sur une longueur de plusieurs kilomètres. Il y en avait des milliers, et nous sommes alors demandés, « Bon Dieu, mais qui sont ces gens ?» Et on nous a indiqué alors qu'il s'agissait de réfugiés qui voulaient partir au sud derrière nos lignes. Vous savez, comme je n'étais qu'un sous-fifre, je n'ai émis aucun doute quant à ce qu'on nous affirmait. Le même jour, vers 9h du soir, notre commandant est venu nous prévenir. On vient juste de nous dire que les Chinois sont entrés en guerre et qu'il faut s'attendre à une attaque imminente. Puis, la certitude nous est venue que ces gens étaient des Chinois. Ces deux jours de marche continuelle ont fait que les Chinois se sont retrouvés derrière les lignes de toute la 8e armée, nous coupant toute retraite. L'armée chinoise est en marche, pas seulement pour venir au secours du petit frère coréen. L'offensive chinoise prend sa vitalité à une toute autre source, infiniment plus originelle. Au début, avant le combat, les communistes tenaient toujours de gigantesques meetings pour nous gonfler le moral. On nous faisait promettre de jeter les Américains à la mer. Nous avons juré de faire triompher la cause communiste et de protéger les acquis de la révolution. Nous ne voulions plus nous laisser oppresser de nouveau par les impérialistes. Ils nous ont indiqué que si nous ne nous opposions pas dès maintenant à l'ennemi en Corée, un jour, il reviendrait en Chine et nous perdrions tout. Galvanisés par la parole révolutionnaire, les soldats chinois, en une véritable nuée, fondent sur l'ennemi impérialiste. God. Mon Dieu, on aurait dit une invasion de fourmis sur cette colline. Ces gens fonçaient droit sur nous, et la compagnie de fusiliers n'effectua pas une retraite. Ordonnée, en marchant, et tout le monde fichait le camp. J'ai dit, fichons le camp d'ici. Mon chauffeur me demanda quoi faire, et je lui répondis, tourne le camion dans l'autre sens et fonce. On va pas s'amuser à jouer à John Wayne, fille, non ? Of You de Debbie Reynolds, une artiste d'Hollywood très populaire à cette époque, qui est aussi allée en Corée pour remonter le moral des GIs. All I do is dream of you the whole night through. With the dawn I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, autumn and spring. And were there more than 24 hours a day, they'd be spent content dreaming away. Blue skies are gray, blue skies are blue, morning, noon, and at night too. All I do the whole day through is dream of you. Quand les requins se battent entre eux, les écrevisses ont le dos brisé. Les alliés ont beau se battre sous le même drapeau, celui des Nations Unies, il n'empêche, chacun est venu sur place avec en héritage sa culture du combat. Sur place, cela a des conséquences. Jacques Dupont. Les Américains donnaient l'ordre tout de suite dès qu'il y avait une offensive chinoise. Ils ne tenaient pas à ce que ces lignes n'avaient aucune importance, finalement. immédiatement, ils donnaient l'ordre de décrocher. Il y avait les camions qui étaient en bas dans la vallée. Il s'agissait de dégringoler rapidement du piton, de monter en camion, de sauter et d'aller tenir des lignes 30 ou 40 km plus au sud. Eh bien, nos Français ne voulaient pas décrocher. Ce bout de caillou, ce coq qui est sur son fumier, eh bien, il est sur ses ergots, il ne veut pas en décrocher. Ça leur a coûté cher, mais ils étaient fiers d'eux. Sans doute, les Américains ont également un autre plan en poche. Sans doute, leur approche stratégique obéit-elle à une logique précise, mais pour l'heure, personne, en dehors peut-être de l'état-major américain lui-même, personne n'en sait rien. Toujours est-il que depuis l'entrée en scène des Chinois, le programme de MacArthur est inversé. Plus question de conquête, c'est désormais tout le dispositif des Nations Unies qu'il faut sauver avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 2. Connaître une terre, c'est pouvoir mieux s'y aventurer. Les Chinois progressent à toute allure. Leur commandement les fait exécuter leurs mouvements à la course quasi en permanence. Quand ils ne courent pas, ils marchent à un train de cadence très élevé. Ces soldats, qui sont les soldats de la grande marche de Mao, entourent les petits jeunes et sont des guerriers fort expérimentés. De plus, la Chine possède un atout maître, l'avantage numérique. François de Castries. Les Chinois, je vous le rappelle, étaient une armée de volontaires, mais en fait, c'était des unités de l'armée régulière chinoise. Ils n'étaient pas sur leur territoire, ils n'avaient probablement pas les mêmes motivations que les Nord-Coréens, donc je dirais, dans une certaine mesure, moins agressifs. Mais ils opéraient par tactique de submersion, et l'on voyait arriver, moi je garde le souvenir d'une tête de Talweg par laquelle s'infiltraient des Chinois qui avaient percé entre deux unités de la division. Eh bien, on les voyait descendre dans le Talweg. Quand l'artillerie était en mesure d'intervenir, on voyait, après les premières salves de réglage, on a vu arriver les concentrations divisionnaires. Eh bien, la fumée, la poussière était à peine dissipée que l'on voyait toujours les Chinois descendre par la même voie. Et progressivement, au fur et à mesure que le temps s'écoulait, vous sentiez que le combat commençait à tourner autour de vous. Et à un moment donné, vous entendiez des coups de feu sur vos arrières. L'encerclement n'était pas loin. À ce moment-là, la décision appartenait au commandement supérieur. Maintenait-on les troupes sur place? Devait-elle se replier? Mais ce qu'il faut souligner, c'est cette tactique de masse, cette tactique d'infiltration. Un gradé subit sans doute plus que les autres l'humiliation des défaites militaires américaines qui se succèdent. C'est un homme petit, à la tête de bulldog. C'est lui qui a combattu héroïquement au tout début de la guerre de Corée, refusant de céder la petite poche de Pusan à l'armée nord-coréenne. C'est lui, avec ses hommes, qui a tenu jusqu'à l'arrivée des forces des Nations Unies. Depuis quelque temps, le général Walker a perdu le moral et le dédain dans lequel le tient son supérieur hiérarchique, Douglas MacArthur, n'arrange rien. Début de l'année 51, Séoul revient de nouveau aux mains des communistes. Les civils coincés entre toutes ces lignes de feu sont évidemment les cibles les plus évidentes. Les gens doivent s'enfuir et tout abandonner. Tout abandonner, même leurs propres enfants. Une réfugiée coréenne. Je devais porter mon jeune bébé, mais je ne pouvais pas en faire de même avec ma fille morte. Je ne pouvais pas imaginer que le corps d'une enfant de 3 ans pouvait être aussi lourd. Je l'avais enveloppé dans de la paille, mais je n'avais pas la force de porter le bébé et ma fille. Aussi, j'attachais le lit de paille à ma taille pour le tirer derrière moi. Il faisait nuit, il pleuvait et neigeait en même temps. J'étais tellement faible que je ne pouvais à peine marcher. Si je n'avais pas été si jeune, je crois que jamais je n'y serais parvenue. En cette nouvelle année, les enfants coréens survivants sont quant à eux tous plus ou moins logés à la même enseigne. La guerre avait, en très peu de temps, avait fait une moisson d'orphelins. Et là aussi, surtout les Français, les Français avaient 5-6 avaient adopté avec eux, en enfant de troupe, des petits Coréens de 10 ans, 8-10 ans, qui étaient des petits gavroches. Je dirais pas que leur français était très châtié, ça, non. Mais ils étaient très drôles, très attachants, très... Pastis, on en avait un qui avait été surbaptisé Pastis. Mais Pastis est bien loin d'avoir vu la fin de la guerre. La guerre qu'ont entrepris de faire sur son pays natal les pays les plus puissants de la Terre. Un extrait de la bande originale du film MASH de Robert Altman. MASH, qui est l'acronyme de Mobile Army Surgical Hospital, est une comédie satirique présentant le quotidien d'un hôpital militaire pendant la guerre de Corée et qui s'attaque à la violence et à l'absurdité de la guerre. MASH a été primé à Cannes en 1970, à l'époque où les États-Unis étaient, s'il faut le rappeler, en pleine guerre du Vietnam. La musique est de Johnny Mandel, avec comme guest star le célèbre pianiste de jazz Ahmad Jamal. Avec l'entrée en guerre de la Chine dans la guerre de Corée, où se sont jetées 16 nations sous la bannière de l'ONU, une inquiétude internationale est maintenant apparue. Un bruit circule. Face à la menace chinoise, on pense avoir recours au même armement que 6 ans auparavant pour le Japon, l'arme stratégique. Truman affirme que non. Aujourd'hui, 50 ans après, la question de savoir si Washington aurait eu recours sur place pour la première fois dans l'histoire de la guerre à l'armement bactériologique est encore débattue. Retour au conflit. Nous l'évoquions tout à l'heure, les Américains, au contraire des Français, défendent peu à peu les places attaquées par les Chinois. Ils se replient, défendant 30 à 40 km plus au sud à chaque fois, opérant un repli massif à travers tout le pays. Mais cette attitude est dictée par une intention stratégique précise. Jean Lartigue. Les Américains ont fait ce qu'on a appelé l'opération camionnette. Ils ont replié toutes leurs troupes, n'importe comment. Et brusquement, dans les vallées laissées libres, dans les positions laissées libres, l'aviation est intervenue en masse, faisant ce qu'on appelle la tactique de la bombe carpette, le tapis de bombe. Ils sont remontés jusqu'après Séoul avec ce tapis de bombe, détruisant toutes les colonnes qui n'avaient pas de DC1, les colonnes chinoises, qui descendaient par les collines, qui descendaient par millions, on aurait dit des fourmis, napalmant et détruisant ces fourmis, je suis remonté peu de temps après par cette vallée, c'était quelque chose d'effroyable, des entassements de cadavres qui n'avaient pas eu le temps, les types n'avaient pas eu le temps de creuser la moindre petite tranchée pour s'abriter. Et vraiment, à ce moment-là, ça a été la destruction d'un monde de fourmis, de termites. La Jeep du bulldog mal-aimé a fait un vol plané. Résultat, le général Walker est mort sans avoir pu assister à l'issue du combat. Une maigre cérémonie et un autre géant de l'armée américaine, héros de la Seconde Guerre, pointe le bout de ses galons, le général Ridgway, l'ancien chef des parachutistes. Ironie cruelle, Walker disparu, avec Ridgway, les Américains se sentent de nouveau galvanisés et remportent une succession de contre-offensives. Les actualités ne peuvent manquer de rapporter de telles nouvelles. Throughout Korea during the first week of February, observers are noticing more and more the high morale evidenced by the UN soldiers. Pendant la première semaine de février, les observateurs ont remarqué une amélioration très sensible des soldats des Nations Unies sur tout le territoire coréen. Ils ont retrouvé confiance dans leur chef et dans leur propre capacité à remporter la victoire. Les troupes des Nations Unies s'ouvrent alors le chemin en direction du nord, vers le fleuve Han et Séoul. From the Halls of Montezuma, hymne du United States Marines Corps, interprété par la chorale Robert Shaw. Chapitre 3. On repart vers le nord. Nouveau renversement dans cette guerre à l'issue décidément bien incertaine. Ce sont cette fois les Chinois qui reculent. Dans les airs, ce sont les premiers combats aériens de jets. La supériorité des sabres occidentaux vis-à-vis des MiG soviétiques est importante. Comme l'est également la supériorité en armement dont les forces des Nations Unies disposent. Ainsi, les Chinois repassent-ils une nouvelle fois le pointillé. Il se retrouve au nord du 38e parallèle. Une fois encore, on se tourne vers Douglas MacArthur en se demandant s'il va insister ou en rester là. Cette guerre, après tout, compte déjà des dizaines de milliers de morts. Quel genre de victoire veut-on ? Les réponses divergent. Il y a celle du général MacArthur devant le Congrès. The communist threat is a global one. Its successful advance in one sector threatens the destruction of every other sector. La menace communiste est une menace globale. Son avance dans un secteur menace la destruction de tous les autres secteurs. Si vous ne pouvez pas calmer le jeu, autrement dit succomber au communisme nazi, sans simultanément miner nos efforts pour stopper son avance en Europe. Once war is forced upon us. Une fois que la guerre a été imposée, il n'y a pas d'autre alternative que d'employer tous les moyens en notre possession pour y mettre un terme le plus rapidement possible. L'objet même de la guerre est la victoire et non pas une indécision prolongée. Ça, c'est le point de vue de MacArthur. Et il y a l'autre point de vue, c'est celui du président des États-Unis, Harry Truman. Je crois que nous devons essayer de limiter la guerre à la Corée pour ses raisons vitales. Pour être certain que les vies de nos combattants ne soient pas perdues. Pour s'assurer que la sécurité de notre pays et du monde libre ne soit pas inutilement menacée et de prévenir tout risque d'une troisième guerre mondiale. Entre les deux hommes, le désaccord est absolu. C'est bien sûr le supérieur hiérarchique qui a le dernier mot. Il se peut fort bien que malgré nos efforts, les communistes puissent entendre la guerre. Mais ceci serait mauvais, tragiquement mauvais, de prendre l'initiative d'un tel acte. Un certain nombre d'événements ont démontré que le général MacArthur n'approuvait pas cette politique. Il est donc de mon devoir officiel de relever le général MacArthur de ses fonctions afin qu'il n'y ait aucun doute ni confusion quant au véritable but de notre politique. MacArthur limogé, la guerre de Corée est cependant bien loin d'être terminée. Demain, d'autres invraisemblables retournements de situation et un nombre de morts qui ne va cesser de s'amplifier au pays du matin calme. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Janine Mamie. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zucker. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. Come back, Niña Celestial. Come back, Niño Celestial. Guess I'm gonna come back one more time. Bendita tierra celestial. Hermosa tierra celestial. Guess I'm gonna come back one more time. Bendita hierba celestial. Bendito bejuco celestial. Proposée par Jean Leclerc, réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.